Alors, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de parler de Versailles vu par Proust et au temps de Proust. Avant de commencer cette conférence, je dois malheureusement vous annoncer que ma collègue Karine Magras ne viendra pas. Je l'ai appris il y a quelques instants, donc malheureusement, j'ai pas pu apprendre un peu sa partie, si bien que je me concentrerai sur la mienne, que j'essaierai d'étendre. Donc vous n'aurez qu'une vision du Versailles, mais vous verrez, elle est très liée à Proust. Donc, lors du colloque international de 2003, éclairant la place de Versailles dans la littérature, Monsieur Fraisse, vous avez montré combien Proust, s'inscrivant dans ce courant littéraire et poétique fin de siècle, évoqua ces lieux avec l'accent mélancolique né du contraste entre la grandeur d'un passé révolu et la réalité de ce Versailles. Grand nom rouillé et doux, royal cimetière de feuillages, de vastes eaux et de marbre. Comme en témoigne cette citation qui est extraite de Les plaisirs et les jours que Marcel Proust publia en 1896, le relatif abandon du domaine encouragea cette poésie lyrique de la décadence que l'on retrouve également chez le grand ami de Proust, Robert de Montesquiou. Ce dandy esthète qui poussa donc au suprême degré cette poésie-là qui devait tant inspirer Marcel Proust. Pourtant, à l'époque où le jeune écrivain, donc, qui par sa parenté séjournait à Versailles depuis toujours, et mentionne pour la première fois dans une lettre sa visite à Versailles à l'occasion d'une excursion avec Anatole France en 1894, d'importants travaux débutaient. En effet, jusqu'à la Première Guerre mondiale, s'engageait la restauration progressive des bâtiments et des jardins, et à l'intérieur des châteaux, l'un des plus conséquents chantiers de muséographie de l'histoire du musée de Versailles. Le maître d'œuvre de cette politique de revalorisation du domaine et de modernisation du musée, dont le musée actuel d'ailleurs est pour bonne part l'héritier, fut Pierre de Nolhac. Alors Noyac, comme on dit. Il est né en 1859 en Auvergne, d'où ce nom de Neuillac, il passa très jeune 2 ans à l'école de Rome, puis revint à Paris enseigner à l'école pratique des hautes études. Il fut affecté à Versailles, où en 1887, où il travailla avec Charles Gosselin, qui était alors le conservateur du musée national et qui était avant tout un portraitiste un paysagiste renommé. À la mort de ce dernier en 1892, Pierre de Noyac, déjà réputé pour ses ouvrages sur Érasme, Pétrarque et surtout Marie-Antoinette, fut donc promu conservateur du Musée national de Versailles, poste qu'il garda jusqu'en 1919, date à laquelle il fut donc remplacé par son collaborateur de toujours, André Perraté. En 1892, il avait donc 33 ans et c'était un jeune conservateur, comme vous allez le voir, très motivé. Alors, les séjours documentés de Proust, donc 1894, 1895, puis on sait qu'il revint très fréquemment à Versailles pour rendre visite à des amis et ses parents. Également, il ne faut pas oublier les 2 mois qu'il passa d'août à décembre, même plus que 2 mois, pardon, 1906 à l'Hôtel des Réservoirs, puis 2 ans plus tard à l'automne 1908. Ces séjours correspondent donc presque parfaitement aux années Noyac. Personnalité qu'il connaissait et vraisemblablement qu'il fréquenta. Alors, il faut que je le dise tout de suite, malheureusement, jamais Proust n'évoqua, ni dans sa correspondance, ni dans son œuvre, les aménagements qui fondèrent le musée moderne de Versailles. De même, je n'ai pas trouvé aucune référence explicite, tant au jeune auteur de Les plaisirs et les jours qu'au génie de la recherche, dans la très riche bibliographie de Pierre de Noyac, qui était donc historien, philologue, mais aussi, c'est important pour la suite, qui était également poète. Alors, par ce silence, il serait toutefois simpliste d'opposer 2 visions absolument différentes. Celle du romancier rêvant, et là je cite Proust, rêvant dans ces bosquets où jadis se promenait seul Bossuet au milieu de figures tirées des fables de Benserade, et celle du conservateur qui, composant avec une équipe et une administration, devait avec pragmatisme conserver, étudier, valoriser et transmettre un immense patrimoine. Alors, en étudiant les sources et les textes, il apparaît que bien des visions, des ambitions et des goûts chez Proust comme chez Noyac semblent communs. Le titre de cette communication, Versailles vu par Proust et au temps de Proust, ne saurait donc opposer l'imaginaire de l'écrivain à la réalité de la vie du musée du domaine à l'époque de Noyac. Au contraire, en vous livrant aujourd'hui une analyse de l'histoire du Musée national de Versailles de 1892 à l'aube de la Première Guerre mondiale, nous espérons dépeindre le contexte dans lequel la vision proustienne de Versailles s'élabora et s'inspira. Donc Versailles est la Palmyre où dort la royauté. Donc cet extrait d'une poésie de Théophile Gautier est cité par Montesquieu dans ses mémoires. Et ce vers pourrait caractériser finalement le musée de Versailles tel qu'il était après les aménagements de Louis-Philippe. L'ouverture des galeries historiques de Versailles en 1837 transforma irrémédiablement le palais, vidé à la Révolution, en musée. Donc bon nombre des vestiges de la royauté, au premier rang desquels les appartements princiers des deux ailes, ceux du rez-de-chaussée du corps central, et la plupart des logements des attiques, furent aménagés en salles dédiées à toutes les gloires de la France, continuent donc depuis Clovis jusqu'à Louis-Philippe. C'est à ce musée, riche de plus de 7000 peintures et de 1500 sculptures, délivrant une didactique et une muséographie qui étaient alors jugées désuètes, que Pierre de Nauillac s'attaqua dès 1892. Comme il l'écrivit dans ses souvenirs, je le cite, « Rien ne serait jamais reconstitué de ce passé. Tel est le but, comme chacun sait, que doivent atteindre les organisateurs de révolution. » Alors de fait, cette œuvre de révolutionnaire fut donc bien destructrice, puisque Nauillac n'hésita pas à sacrifier la cohérence des ensembles ordonnés par Louis-Philippe et son bibliothécaire Watou. Toutefois, avant ses premières attaques aux grandes œuvres de la monarchie de Juillet, Nauillac n'eut de cesse de reconquérir les espaces du musée qui, peu à peu délaissés, avaient été affectés à des usages variés. Plusieurs associations, notamment charitables ou même artistiques, tenaient leurs séances et présentaient leurs activités généralement dans les salles du rez-de-chaussée du corps central, au beau milieu donc des portraits des maréchaux, des amiraux et des connétables de France qu'avait réuni Louis-Philippe. Alors, parmi les multiples associations, on peut citer l'Union des femmes de France, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui organisait son concours d'entrée dans la salle Louis XIII, qui est l'actuelle Galerie Basse, et enfin la Société des Amis des Arts du département de Seine-et-Oise, qui, comme vous le voyez sur cette affiche, organisa chaque année une exposition de peinture d'amateurs locaux et d'artistes locaux de 1882 à 1900, date à laquelle Nauillac réussit à les faire exposer dans l'Orangerie. En effet, dès sa nomination au poste de conservateur, donc soutenu par l'architecte du palais qui était lassé de toutes les dégradations que ces manifestations occasionnaient, Nauillac obtint du ministre des Travaux publics qu'aucune salle ne soit prêtée à l'avenir pour ce genre de manifestation. Cette restitution progressive des appartements historiques et des anciennes salles Louis-Philippe fut motivée par l'ouverture au public de ces espaces qui étaient longtemps inaccessibles et réaménagés par Nauillac et donc piratés. Alors bien que les archives restent assez lacunaires à ce sujet, il semble en effet qu'à l'époque de Charles Gosselin, les attiques du château étaient en grande partie fermées. Donc l'une des premières actions de Nauillac conservateur fut donc de rouvrir au public l'attique du Nord, dans lequel, sur 6 salles côté jardin, doublées à l'est de cette énorme enfilade que vous... Alors, oula, la photo n'est pas très bonne, mais vous voyez cette énorme enfilade présenter des centaines de portraits illustrant les règnes de Charles IX à Louis XVI. Outre cette ouverture, une exposition temporaire de portraits peints par Nattier fut organisée en février 1894, l'année donc où Proust visita le domaine en compagnie d'Anatole France. Alors l'année suivante, et ce jusqu'à la Grande Guerre, le château vécut au rythme des aménagements qui affectèrent presque toutes les zones du palais, ne laissant de l'époque de Louis-Philippe que les ensembles les plus emblématiques, entre autres la galerie des batailles que vous voyez ici, la salle de 1830, les salles Empire qui sont au-dessous, qui sont toujours en place, les salles des croisades et les salles d'Afrique et de Crimée, ainsi que les galeries de pierre, qui toutefois avaient été bien dénaturées puisque les plus belles sculptures avaient été envoyées au musée du Louvre. Alors le premier coup porté au musée de 1837 fut la soile des rois de France, ensuite qui était donc au rez-de-chaussée du corps central, juste après ces salles sur les amiraux et les connétables et les maréchaux que vous voyez ici en bas. Peu après, Nauillac s'intéressa à la partie sud du rez-de-chaussée du corps central et réaménagea dans ces salles qui possédaient encore des éléments décoratifs de l'époque où elles constituaient l'appartement du dauphin et de la dauphine. Eh bien, Nauillac et Perraté ouvrirent là des salles dédiées au XVIIIe siècle. Ensuite, 10 ans plus tard, en 1909, regardez en haut à droite, dans les salles de mesdames furent ouvertes des salles dédiées à l'époque de Louis XVI. Au premier étage, si l'appartement, le grand appartement du roi et une partie du grand appartement de la reine furent dédiés à l'évocation du XVIIe siècle, puisque furent exposées ici la prestigieuse tenture de l'histoire du roi, Noyac identifia l'appartement de Madame de Maintenon, que vous voyez en bleu clair là-bas, dans lequel il enleva également les tableaux que Louis-Philippe avait placés pour évoquer la Révolution et les remplaça par des tableaux du XVIIe siècle de manière à créer une continuité avec le grand appartement. Donc après cette drastique épuration des collections, où seules les œuvres d'un intérêt documentaire furent réservées pour des jours meilleurs, alors que les innombrables tableaux, disons, à commande de Louis-Philippe gagnèrent les magasins, Noyac et Perraté entreprirent un travail de classement des portraits présentés à touche-touche dans les attiques du Nord et du Midi. Et en 1900, l'ouverture à l'attique du Nord, hop, voilà, à l'ouverture de l'attique du Nord, donc vous voyez en bas les petites salles en jaune, de quatre salles dédiées donc aux portraits du XVIe au début du XVIIe siècle, qui seront après continuées par des salles également sur la régence d'Anne d'Autriche et la minorité de Louis XIV, permirent de mettre en œuvre cette méthode de classement. Enfin, il faut attendre 1906, donc quelques années, pour que ce soit l'attique chimée, donc cette partie que vous voyez en rouge là, et puis après toute l'aile du Midi, qui sera donc transformée en salle dédiée au directoire, au consulat, à la famille impériale, aux dignitaires de l'Empire, et enfin, en 1909 et en 1912, les salles évoquant le règne de Louis-Philippe et le Second Empire. Ainsi, ce que je veux faire comprendre, c'est que des premières visites attestées de Proust dans le domaine, en 1894 et 1895, au séjour qu'il fit à l'hôtel des réservoirs en 1906 et en 1908, le château fit sa mue, et ce bouleversement transforma jusqu'à l'identité même du Musée national de Versailles. Alors, comme le remarqua Henri Bouchot, qui, en sa qualité de spécialiste de Clouet, participa à l'aménagement des portraits, des salles consacrées aux portraits du XVIe dans l'attique du Midi, là, en jaune, en bas. Sous l'apparence de dépeupler le dépôt confié à leurs soins, les conservateurs se proposaient en réalité de l'enrichir d'œuvres incontestables et datées. Alors la presse, qu'elle soit spécialisée ou non, se fit l'écho de la métamorphose progressive de Versailles. Dès 1895, par exemple, le journal de Genève loua la méthode des hautes études qui présida à ce renouvellement des collections iconographiques de Versailles, inaugurant à Versailles l'ère de l'œuvre d'art à part entière. De même, la presse généralement loua cette idée entre une correspondance entre la période de création de l'œuvre et le lieu de sa présentation au public qui n'avait jamais été poussé aussi loin avant Noyac. Toutefois, il est quand même permis de se demander si l'œuvre de Noyac fut véritablement révolutionnaire. En effet, il défendit aussi son projet dans la presse en l'inscrivant dans la continuité de la pensée originelle de Louis-Philippe, reconnaissant l'apport des galeries historiques, et là je cite Noyac, « la plus importante série de monuments d'art qu'un peuple ait jamais réuni sur son histoire ». Cette sélection sévère d'œuvres faites à l'aune de leur authenticité était certes novatrice dans ce Versailles qui était, il faut bien imaginer, quasiment inchangé depuis 50 ans. Mais elle participait aussi d'un courant de pensée commun aux grands conservateurs de musées, comme par exemple Courageux ou Louvre. En revanche, le recours systématique aux documents d'archives pour recomposer et analyser la vie de cour et ses principales figures, courant qui avait déjà été amorcé avec les Goncourt, mais avec un peu plus de poésie quand même, eut avec Noyac une incidence déterminante. Noyac s'attacha dans le château à libérer les espaces historiques, comme l'appartement intérieur du roi ou l'appartement du Barry, et à restituer ce qui, au rez-de-chaussée du corps central, avait été donc malmené par la muséographie de Louis-Philippe. En fait, Noyac amorça ce courant qui fut poursuivi tout au long du XXe siècle de rendre au palais sa vocation première de demeure royale. Cette tendance qui s'affirmera tout au long de sa carrière ne doit cependant pas faire oublier les contrastes qu'offrait le musée de Versailles et que les visiteurs devaient forcément percevoir. En effet, dans certains espaces purement historiques, subsistaient des reliquats de l'époque de Louis-Philippe, comme par exemple dans la Galerie des Glaces, les luminaires très reconnaissables qui dataient de la monarchie de Juillet. Ces espaces-là côtoyaient les salles reconstituées à l'aide des boiseries d'origine, comme l'ancien appartement du Dauphin, puis des salles modernes, tout en se confrontant également aux vestiges des galeries historiques dont la cohérence d'antan était définitivement perdue. Alors qu'est-ce que Proust a-t-il bien pu ressentir de ces différentes strates qui témoignaient de cette épaisseur historique, de cette grandeur que l'on tentait de retrouver ? Comme je l'ai souligné en introduction, force est de constater que la correspondance de Proust, si elle atteste ses visites au jardin, ne permet pas d'affirmer sa fréquentation du musée de Versailles. Un passage dans La Prisonnière trahit cependant l'écrivain visiteur. C'est le passage où Albertine se rend à Versailles seule et le narrateur interroge le chauffeur qui amena Albertine tant qu'il est jaloux. Le chauffeur lui répond « Sûr qu'on la regarde, mais elle n'en sait quasiment rien. Elle est tout le temps les yeux dans son guide, puis levée sur les tableaux. Ses vieilles curiosités, et là je reprends les mots du chauffeur, comme le dit le chauffeur, puis donc agencées au prix de continuels aménagements, qui donnèrent au musée cette double identité de musée d'histoire et de demeure royale, n'ont pas inspiré directement ni Proust visiteur, ni Proust écrivain. Pourtant, on retrouve dans sa correspondance comme dans son œuvre des allusions, des thématiques même qui, tout en s'inscrivant dans un courant intellectuel beaucoup plus large, rejoignent certaines des conceptions que Neuillac développa dans son musée. Je ne puis rien te dire de mes lectures, mon grand, parce que je suis toute à Madame du Défant et que tu dédaignes, je crois, le XVIIIe siècle. » Alors cette lettre adressée à Proust par sa mère en septembre 1889 est généralement citée pour attester le désintérêt de Proust pour cette période, désintérêt qui, je crois, fait débat parmi les spécialistes. En effet, le goût de Proust pour le siècle de la Régence, de Louis XV et de Louis XVI semble s'être épanoui très rapidement puisque le recueil « Les plaisirs et les jours » publié en 1896 rassemble non seulement le fameux texte sur Versailles, mais aussi, entre autres, un poème sur Watteau. Watteau, comme Pater, inaugure cette série d'artistes du XVIIIe siècle dont les œuvres citées dans la recherche sont comme des métaphores, des personnages auxquels elles sont associées. Et le fait que ces références concernent principalement les peintres de la Régence et du règne de Louis XV, hormis Hubert Robert, dont le jet d'eau dans le jardin de la princesse de Guermantes est associé au Versiel de l'Ancien Régime, mais le fait que Proust mentionne ces peintres montre combien il adhéra à cette réhabilitation de la peinture française du XVIIIe siècle, qui justement triompha à la fin du XIXe, grâce notamment à l'action de Pierre de Neuillac. Neuillac, en effet, même s'il dénigrait le si romancé art du XVIIIe siècle des frères Goncourt et les travaux qu'il jugeait très peu sérieux du comte Paul Durieux sur Versailles, publia dès 1890 son ouvrage consacré à Marie-Antoinette, prélude à ses travaux sur la vie de cour et à sa série de monographies sur des peintres du XVIIIe siècle. Alors, je vais vous citer Watteau, publié en 1905, la monographie sur Fragonard l'année suivante, celle sur Boucher, celle sur Vigier-Lebrun et Hubert Robert en 1910. Comme Neuillac le souligne dans ses souvenirs, les études qu'il mena sur les portraits alors mal identifiés des filles de Louis XV par Jean-Marc Nattier furent à plus d'un titre fondatrices. Et l'exposition, la toute première qu'il organisa en 1894 et qui fut suivie d'une série d'articles qui révélèrent ce peintre alors peu étudié, occasionna, et je le cite, « un engouement qui dépassa toute limite ». De plus, la muséographie qu'il conçut, notamment dans l'ancien appartement du Dauphin, gardait de cette première exposition le goût pour une présentation très simple mais raffinée, puisque l'accrochage mettait en valeur chaque toile, alternant avec des bustes dans ce décor prestigieux des appartements historiques. Le musée d'histoire voulu par Neuillac était aussi un musée d'amateurs, au sens noble du terme, ce que celui de Louis-Philippe, dont les buts étaient tout autres, n'avait jamais été. Et sans doute cette importance accordée au décor, à l'œuvre et à sa délectation, trouva chez Proust, Montesquieu et les cercles d'esthètes qu'il fréquentait un accueil favorable. J'ai retrouvé dans le fond Neuillac une lettre que Montesquieu envoya de Venise à Neuillac, dans laquelle il se comporte comme un amateur, mentionnant au conservateur deux portraits qu'il croit avoir identifiés comme étant de la main de Nattier. Par ses présentations de portraits de Largillière, de Tocquet, Van Loo et Nattier, et par les publications de Neuillac, le musée de Versailles participa donc pleinement à cette redécouverte de l'art français du XVIIIe siècle, et tout particulièrement des portraitistes, genre qui inspira tant les écrivains et singulièrement Proust. À travers le baron de Charlus, Proust d'ailleurs célèbre la gloire soudaine de Nattier, puisque le baron, apprenant, alors c'est à l'occasion de la fameuse soirée chez le prince et la princesse de Guermantes, Le baron, apprenant que le mari de Madame de Surgy s'était montré mécontent d'un portrait de sa femme par Jacquet, s'exclame « Pas content d'un des chefs-d'œuvre de notre époque égal à la duchesse de Châteauroux de Nattier et qui, du reste, ne prétendait pas à fixer une moins majestueuse et meurtrière déesse ?» Alors, si ces références aux artistes du XVIIIe siècle qui parsèment l'œuvre de Proust ne se rapportent jamais explicitement au musée de Versailles et aux travaux de Nauillac, elles en attestent toutefois l'importance, tant sous le voile poétique, finalement, de la littérature, se décèlent des influences et des conceptions communes. Versailles, la ville royale où, pendant quelques heures, nous crûmes que nous vivions au siècle de Louis XIV. Lors de la journée d'études de 2003, Monsieur Fraisse, vous avez montré combien dans la correspondance de Proust, et là je vous cite, « la patine contemporaine et décadente vient se superposer à la civilisation du grand siècle ». Alors les références aux mémoires du Saint-Simon et aux lettres de Madame de Sévigné dans la recherche sont très nombreuses et célèbres, respectivement rattachées au personnage du baron de Charlus et à la grand-mère du narrateur. De même, les évocations du faubourg Saint-Germain ou de la figure toute Louis XIVe de Robert de Montesquieu se font généralement par des associations, des surimpressions, comme vous avez dit, qui s'opèrent toutes à travers le prisme du château de Versailles, qui, comme je vous l'ai montré, retrouve durant ces années-là sa dimension de demeure royale, auparavant occultée par le musée de Louis-Philippe. Si Nauillac publia beaucoup sur le Versailles de Louis XV et sur celui de Marie-Antoinette, ses travaux sur l'ère Louis XIVienne, moins nombreux, furent soit destinés aux spécialistes, soit beaucoup plus tardifs, puisque ces deux tomes sur le Versailles sous Louis XIV n'ont été publiés qu'en 1911. Mais dans le château, le règne du monarque était évoqué dans le grand appartement du roi et se concluait, comme je vous l'ai montré, dans l'appartement de Madame de Maintenon, réorganisé dès 1904. Enfin, il y a une certaine continuité aussi pour l'évocation de cette époque entre la muséographie de Louis-Philippe et celle qui était voulue par Nauillac, puisque dans le grand appartement, le conservateur se décida de présenter à la place des cartons de tapisserie qu'avait placé Louis-Philippe les tapisseries originales donc, de l'histoire du roi. Et les réceptions fastueuses que la République organisa pour les têtes couronnées, notamment celle du tsar en 1896, permit de redonner au château son lustre d'antan. Et comme l'écrivit d'ailleurs Nauillac, la République se para avec fierté d'un héritage monarchique et cette architecture moderne y gagna une sorte de grandeur classique qui frappa tous les assistants. Alors il est paradoxal de voir combien la presse encouragea cette association du château royal avec la figure de Louis XIV, alors que l'actualité muséographique des années Nauillac concerna essentiellement l'évocation des XVIIIe et XIXe siècles. Ce mémorialiste, adulé par Montesquieu comme par Proust, au point qu'il l'associa dans son éloge de l'art classique à Racine, le duc de Saint-Simon apparaît comme l'intermédiaire obligatoire pour évoquer la cour de France dont le Versailles de Louis XIV était le symbole. Et c'est en lisant les mémoires de Saint-Simon que le narrateur de la recherche, d'ailleurs, éprouve l'envie d'entrevoir dans le salon d'égarement de cette mécanique de Versailles. Ce n'est pas un hasard, enfin, si dans la préface de 1910 de son recueil « Les perles rouges », Robert de Montesquieu, qui fait aussi référence à Saint-Simon, écrit « On pourrait, ce me semble, affirmer qu'une fois au moins, dans le cours de son œuvre, un poète doit s'appuyer sérieusement sur l'histoire pour assurer de la rigueur à sa délicatesse et de l'autorité à sa fantaisie. » Marcel Proust se montra quant à lui, malgré le topos du grand siècle auquel il sacrifia, beaucoup plus poète qu'historien. Et en effet, loin d'avoir consciencieusement visité le musée de Versailles, Proust chercha à l'extérieur, dans les jardins, une échappatoire pour satisfaire son imagination, comme en témoigne cette note griffonnée dans un carnet préparatoire à la recherche, vue de la campagne dans le brouillard par une fenêtre du château. Les jardins. Un pèlerinage entre les Minerves imposantes, les Vénus voluptueuses et les gladiateurs blessés. Plus encore que le château, le parc exerça une influence directe sur Proust. Les allusions, qui sont très nombreuses dans sa correspondance comme dans son œuvre, révèlent les plaisirs de la promenade dans ce lieu qui, comme hors du temps finalement, répondait aux aspirations des poètes d'alors et qui ne pouvait que nourrir l'imagination et la sensibilité de Proust. Et à plus d'un titre, sans doute, ces promenades furent, comme il l'écrit, de véritables pèlerinages. Alors je ne reviendrai pas ici sur l'importance de la littérature décadente et de cette culture fin de siècle indissociable de ces visites versaillaises. L'influence de Robert de Montesquieu, dont Proust entendit jeune homme les poèmes sur Versailles, fut également déterminante. Et les deux auteurs cultivèrent ce goût pour l'image poétique plus que descriptive, dont le parc, par sa puissance évocatrice, fut le révélateur. De même, comme l'écrivit Montesquieu, il fait bon s'entretenir des maux du vieux parc et des blessures du vieux palais. Alors les poètes ne furent pas les seuls à constater les effets du temps sur l'état du domaine, puisque les jardins, comme le château, firent l'objet de travaux de restauration conséquents et coûteux qui suscitèrent de nombreuses querelles et débats, alors non seulement au sein de l'administration, mais également dans l'opinion et dans les milieux politiques. Ainsi, en 1908, par exemple, le sénateur de Lamarzel n'hésita pas à dénoncer, devant le Sénat qui votait le budget, je le cite, « l'état lamentable et qui continue à être véritablement lamentable du parc de Versailles et du hameau de la Reine, laissé sans surveillance et livré aux apaches ». Alors, dès 1875, pourtant, une somme déjà conséquente de 70 000 francs, ce qui n'était pas rien pour l'époque, avait été allouée par le service des bâtiments du ministère à l'architecte du château pour la restauration du bosquet des Rocailles. Ces crédits véritablement inaugurèrent des campagnes de restauration des bosquets et des bassins quasi annuels jusqu'à la Grande Guerre. Les coûteux travaux du bassin de Neptune en 1883 et 1884, 200 000 francs quand même, poussèrent la commission du budget à voter cette année-là un crédit d'1 million de francs pour la restauration des bassins. De même, les chambres votèrent en 1888 un crédit spécial de 400 000 francs pour l'exécution de travaux de réfection et de grosses réparations, notamment pour les bassins de la Tonne et les bains d'Apollon. Alors c'est l'arrivée en 1888 de Marcel Lambert à la tête du service de l'architecture du château qui marqua l'accélération des chantiers qui touchèrent tant le château, alors les façades et les couvertures, que les jardins. Ainsi, pendant une dizaine d'années, de 1889 à 1900, les travaux portèrent sur le bassin de l'obélisque, le pavillon français, le buffet d'eau, le temple de l'amour, le pavillon de musique à Trianon, les bosquets des Dômes et de la Colonnade, les bassins des Saisons, les bassins du fer à cheval au Trianon, ainsi que ceux du plafond et du quinconce. Vous voyez de nombreux travaux. Durant la décennie suivante, on constate tout de même un relatif ralentissement des chantiers du parc, puisque les travaux furent à ce moment-là essentiellement consacrés à l'achèvement de la restauration des bassins des Saisons. Marcel Lambert, premier Grand Prix de Rome de 1873, fut l'architecte en chef du château durant 24 ans, de 1888 à 1912. Et en fait, ce fut avec Noyac, l'autre homme fort de Versailles. Ils furent placés sous la même tutelle en 1895, mais les deux hommes ne s'apprécièrent guère. L'arrêté du 9 septembre 1889, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, avait fixé les attributions respectives de la conservation et du service des bâtiments. Au conservateur revenait la responsabilité des objets mobiliers affectés au musée, dont les statues, les vases et les groupes ornant les jardins, à l'exception toutefois des socles, et de tous les ouvrages composant les différents motifs des jeux d'eau qui étaient du ressort de l'architecte. Alors en ce qui concerne les jardins, les débats portèrent essentiellement sur les procédés employés pour la restauration des sculptures en plomb des bassins, qui étaient considérées comme objets immobiliers et qui donc échappaient au contrôle de la conservation. Exécutés dans un matériau fragile, leur armature interne oxydée ne les supportant plus et souffrant du manque d'entretien, ces chefs-d'œuvre du XVIIe siècle apparaissaient pour certains déformés, affaissés, voire lacunaires. Ainsi, les sculptures en plomb du bassin du Dragon, que vous voyez ici, furent changées par un plomb moderne pour lequel le service de l'architecture passe sa commande à un artiste. Toutefois, l'affaire qui mobilisa les critiques au point d'apparaître rétrospectivement comme le premier scandale patrimonial majeur du Versailles moderne concerna les travaux de restauration entrepris au bosquet des Dômes, alors sur la photo à droite, voilà. Et en 1893 et 4 ans plus tard au bassin de Flore et de Cérès. Émile Ovelac, qui est un journaliste très ami de Nolac, puisque j'ai retrouvé énormément de lettres qui montraient qu'ils échangeaient très souvent, publia en 1897, dans le supplément à la Gazette des Beaux-Arts, une série d'articles alertant l'opinion publique des méthodes de Marcel Lambert. Ce dernier, en effet, sous prétexte de restaurer Flore, fit couper les seins et les jambes altérés par l'usure du temps et confia la réfection du chef-d'œuvre de Tuby au plombier du château. Critiquant ainsi ouvertement ces restitutions qui dénaturaient irrémédiablement l'état d'origine des œuvres, le journaliste questionna la notion même de restauration et appela la commission des monuments historiques à adopter des positions claires. Une dizaine d'années plus tard, même plus, en 1914, Maurice Lobre, le peintre, ami de Montesquieu, qui fréquenta également Proust et surtout grand ami de Neuillac, adressa au conservateur cette lettre absolument fataliste. « Notre cher Versailles n'est plus. C'est fini. On lui donne des millions pour l'assassiner. On veut reconstituer Versailles, peu importe de l'entretien. On veut faire des travaux et quels travaux? On détruit tout avant de soumettre le plan. On a détruit par ignorance 20 des plus belles et des plus beaux vases et statues en les enduisant d'un cambouis innommable. La bêtise est si grande qu'on a l'air toujours du mécontent quand on souligne ces atrocités. » Alors, est-ce que ces propos un peu excessifs peut-être émurent-ils Proust et son entourage? Tout en célébrant dans ses poèmes les ruines du vieux parc de Versailles, Montesquieu défendit et partagea le point de vue des critiques de la conservation du château. En effet, il apparaît dès 1897 dans une liste de personnalités amants de Versailles, aux côtés de Rodin, puis de Chavannes, Helleu, Lobre, Neuillac, Guiffré, Anatole France et Maurice Barrès, artistes et savants, dont Hovelac appelait la réunion en commission bénévole pour statuer sur les restaurations opérées par l'architecture. Alors, d'Anatole France, qui fustigeait la mauvaise restauration du pavillon français dans un article, à l'hôtel des réservoirs, où le propriétaire Henri Grosseuvre organisa l'année après la fondation de la Société des Amis de Versailles en 1907, dont il était membre d'ailleurs, donc dans son hôtel, il organisa des réunions de cette Société des Amis. Force est de constater encore une fois que Proust évoluait dans un milieu qui suivait l'actualité de la vie du château et qui n'hésitait pas à prendre parti. Enfin, Maurice Barrès, donc l'un des maîtres de jeunesse de Proust, amoureux fervent du château, publia en 1897 trois articles intitulés « Sur la mort de Venise », dont le dernier, mentionnant Versailles, pour décrier les restaurations perpétrées dans le parc, fut cité par Hovelac, toujours lui, qui trouva, je le cite, « le principe vrai des saines restaurations ». Alors, le conservateur que je suis reste interdit devant ces principes, hein, puisque, encore une fois, ces principes, finalement, constituaient à ne pas restaurer les œuvres, mais plutôt à les laisser dépérir lentement. Mais ça permet toutefois de rapprocher dans une même communauté d'esprit Proust, Montesquieu, Barrès, Anatole France, les journalistes et peut-être même Pierre de Neuillac. Puisqu'à Venise, ville proustienne par excellence, Maurice Barrès, auteur donc du sang, de la volupté et de la mort, loin de préconiser une méthode particulière de restauration, loua au contraire les effets du temps qui confèrent aux œuvres et aux bâtiments, je le cite, des maturités puissantes et des vieillesses pathétiques. Et il continue, mais cette agonie prolongée laisse les monuments passer par toutes les formes qu'ils possèdent pour produire leur pleine impression. Voilà le charme le plus fort qu'à Venise pour me séduire. Il était tout de même favorable à l'entretien des sites historiques, mais il refusait catégoriquement toute restauration visant à freiner cette lente dégradation, tant le processus, qui faisait d'ailleurs écho à ses thèmes de prédilection, lui semblait inspirant. En effet, au-delà des évidentes erreurs commises par l'architecte du château, critiques et écrivains condamnaient unanimement l'impression de neuf, cette folle vanité de vouloir refaire, comme l'écrit Hovelac, du vrai Louis XIV. Alors, derrière ce plaidoyer de ce qui, alors, dans le langage actuel de la conservation, s'apparente à l'entretien courant contre des restaurations fondamentales, il faut comprendre plutôt la place prépondérante que ces littéraires accordaient non pas à l'œuvre, mais à la poésie. Quoi de plus évocateur, en effet, que ces statues, ces bassins, chefs-d'œuvre mutilés qui, sous le lent effort de la nature, avaient fini par prendre le ton des vieux troncs d'arbres, des feuilles mortes, par se fondre dans le paysage, comme vous le voyez sur cette photo du bosquet des Bains d'Apollon. Cette idée d'un tout, des arbres et des marbres vieillis ensemble, de la nature et de l'art se confondant sous les photos du temps, domine les évocations poétiques du domaine comme celle des critiques pourtant sensibles aux questions patrimoniales. La patine du temps est l'automne, saison mélancolique et uniformisatrice, où les feuilles recouvrent les œuvres, furent donc des termes incontournables que l'on retrouve dans tout propos sur Versailles, fût-il poétique ou scientifique. Ainsi, même le sérieux Noyac, dans son ouvrage « Les jardins de Versailles », publié en 1906, écrit « Au déclin de la saison, la maison de nos rois reprend sa signification souveraine, et les coulées d'or et de cuivre qui chamarrent les hauts feuillages s'accordent à rappeler les splendeurs d'autrefois. L'âme la moins ornée, la pensée la moins vive est émue par la puissance d'un tel décor de tristesse et de beauté. » La même année, donc en 1906, reclus à l'hôtel des réservoirs, Proust associa dans une lettre à Madame Catus le bel automne d'or à Versailles, dont il ne profitait pas, à cette fameuse patine du temps sur le domaine royal. Et je le cite, « Ces lieux incomparables que notre tristesse a construits plus beaux qu'ils ne furent jamais dans leur splendeur première et qui ont tant gagné en beauté de Louis XIV à Barrès. » Bien que l'écrivain ne prit jamais position dans les débats qui agitèrent la vie du château, les milieux qu'il fréquenta ainsi que la vision qu'il livra du domaine indiquent qu'ici encore, il s'inscrivit dans un courant de pensée rassemblant plusieurs personnalités autour d'une conception commune de Versailles. Et de fait, c'est cette communauté que circonscrivit Proust, encore une fois en 1906, dans la Chronique des Arts et de la Curiosité, ce magazine dans lequel Émile Hovelacque, 10 ans auparavant, avait tenté d'alerter l'opinion publique sur les méthodes de restauration. Dans cet article, Proust pourfend l'ancien poème d'Alfred de Musset sur trois marches de marbre rose. Je le cite. « L'ennuyeux parc de Versailles, de Musset, est devenu par Barrès, par Montesquieu, par Henri de Régnier, Helle, Noyac, L'Obre, Boldini, le séjour de prédilection des poètes et des sages. » Alors, ce cénacle qu'invoque Proust traduit assez le caractère mondain et artiste dont le château se pare dès les années 1890. La résurrection du domaine, dont Noyac s'autoproclame l'artisan dans ses souvenirs, ne concerne pas seulement la muséographie, mais assurément la fréquentation et l'image du château. Le public, en effet, revint dans les galeries et les jardins lors d'événements populaires qui parfois attiraient les foules. Alors, il y avait des expositions temporaires, mais c'est surtout dans le parc que l'on retrouvait les événements les plus populaires, comme notamment les grandes fêtes organisées chaque année par la Société des fêtes versaillaises, fondée en 1862, qui était destinée à attirer à Versailles un grand concours d'étrangers. Bien évidemment, le Versailles de Proust, mélancolique et automnal, qui pleure par toutes ses feuilles et toutes ses ruines, comme dit Proust, n'est pas celui de la foule, si peu propice à la contemplation, mais plutôt celui d'une société choisie. Barrès est même encore plus explicite et solitaire, puisqu'il écrit « Je vais à Versailles à 8 heures, quand il n'y a plus qu'un bourgeois dans le parc. » La ville, comme le château, constituèrent donc une destination mondaine, tant artistique, intellectuelle qu'aristocratique, et sans doute Proust, qui fréquenta Versailles, à Versailles amis et parents, n'y fut pas insensible. Or, en étudiant les sources, il apparaît que les réseaux de l'écrivain recoupent ceux de Pierre de Noyac, esquissant une nouvelle fois autour du château les contours d'une communauté à la fois intellectuelle et cette fois amicale. Les différentes publications sur Pierre de Noyac, à commencer par son autobiographie, soulignent l'étendue de ses relations, tant dans le monde des lettres d'ailleurs que dans la haute société. Et j'ai retrouvé beaucoup d'interviews dans la presse dans lesquelles Noyac prend un plaisir évident à raconter des anecdotes sur les visiteurs illustres et parfois couronnés auxquels il fit la visite au château. Son impressionnante correspondance, qui est aujourd'hui divisée entre la Bibliothèque nationale de France et, pour la majeure partie, juste à côté, la Bibliothèque municipale de Versailles, cette correspondance atteste du rayonnement de Pierre de Noyac, que sa fonction seule ne saurait complètement expliquer. Cet homme qui avait des passions multiples devait être particulièrement charismatique. Ce fonds Noyac prouve aussi que le conservateur de Versailles fut en contact avec les personnalités de l'entourage immédiat de Proust. Outre Anatole France et Maurice Barrès, il échangea des lettres avec Lucien Daudet et surtout avec Reynaldo Hahn pendant une vingtaine d'années. Toutefois, la personnalité proustienne qui dans ce fond domine et autour de laquelle sans doute Proust et Noyac se rencontrèrent est assurément Robert de Montesquieu. Le conservateur, qui correspondit avec bon nombre des proches de l'esthète, comme par exemple la comtesse Greffeuil, accorda dans ses souvenirs quelques lignes à celui qu'il appelle le grand bibelotier. Alors bien que dans les pas effacés de Montesquieu, Nolhac ne soit jamais nommé, on sait que le comte entretint de 1890 à la Première Guerre mondiale une correspondance abondante avec le conservateur, avec lequel il semble avoir été assez lié. Preuve en est de ces deux lettres touchantes que Montesquieu lui adressa après 1905, date de la mort de son compagnon Gabriel de Ituri, avec lequel Nolhac également correspondit. L'ayant invité à une lecture à la mémoire du regretté compagnon, lecture qui réunissait un petit nombre d'auditeurs, Montesquieu, d'habitude si exigeant dans ses relations, déclara à Nolhac « Vous êtes de ceux que j'aimerais toujours à revoir ». Et de fait, Nolhac compta parmi les invités de plusieurs des fêtes organisées par ou en l'honneur de Montesquieu, comme celle de 1894 au pavillon Montesquieu, que Proust décrivit, une fête littéraire à Versailles, dans Gaulois, et aussi, sans doute, à celle que 10 ans plus tard, Proust organisa dans son appartement, et pour laquelle, parmi la liste des invités qu'il proposa au comte, on retrouve, aux côtés de Nolhac, les Helleux et Maurice Lobre. Plus que les fêtes et les relations mondaines, c'est sous le double sceau de l'art et de l'amour de Versailles que ce cénacle de sages et de poètes évoqués par Proust se fréquenta. Il ne faut pas oublier en effet que Nolhac était également poète, et la correspondance témoigne que c'est au double titre de conservateur et de poète qu'il était reconnu, tant par Anne, qui trouvait ses vers inspirants, que par Montesquieu, Lobre et Proust. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer, je ne sais pas si elles sont inédites, mais en tout cas moi, j'étais très ému en les voyant, ces deux documents qui subsistent de la main de Proust, donc dans le fond Pierre de Nolhac, qui est conservé à côté, donc la bibliothèque municipale. Le premier document est une lettre de condoléances, vraisemblablement envoyée à Nolhac en 1908, année de la mort de son père. Le second est une carte de visite, entièrement recouvert de la petite écriture de Proust, qui, quelques mois avant sa mort, vraisemblablement félicita Nolhac pour son élection à l'Académie française le 15 juin 1922. Alors je vous le lis. « Cher monsieur, recevez toutes les félicitations de quelqu'un qui fut de tout temps l'admirateur du grand poète et prosateur que vous êtes, avec une particulière nuance de déférente et reconnaissante sympathie pour une urbanité chaleureuse et fine qui était à vous et ne venait ni de l'Ourps ni de Versailles. C'était moins solennel, plus délicieux. Le reclus que je suis devenu pense que cette qualité si fine, vous l'avez gardée. » Alors je terminerai ma communication sur ces mots et en espérant vous avoir montré que si en effet certains liens entre les aménagements très nombreux qui marquèrent l'histoire du musée de 1892 à la Première Guerre mondiale ne sont pas explicitement mentionnés par Proust, ils participèrent toutefois à l'imaginaire qu'il développa sur le domaine. Je vous remercie.